vendredi 18 novembre. Bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Florent avec vous pour la prochaine heure. Ce matin, si je vous dis « t'as pas d'enfant, tu m'en dois une ». C'est intense, hein, ce matin. Vous allez sûrement dire ça. En fait, c'est le titre d'un billet de Bianca Lompré dans le Huffington Post en février dernier, qui a suscité plein de réactions, comme vous pouvez imaginer, avec ce titre-là. Mais aussi, c'est parce que ce qu'elle raconte là-dedans, c'est que le quotidien d'un parent est pas mal plus exigeant que ses sacrifices, que c'est des sacrifices, c'est du don de soi. Jusque-là, je peux comprendre son point de vue. Mais là, où est-ce que... pardon, j'ai de la difficulté avec ça, c'est que ce qu'elle dit, c'est que les parents, ce sont l'élite. C'est vraiment, dans ce texte-là, elle visait pas, Bianca Lompré, elle visait pas les femmes directement, mais naturellement, le débat autour, c'est transféré vers elle. Donc, ça me fait me poser la question, est-ce que la pression envers les femmes qui n'ont pas d'enfants, est-ce qu'elle existe réellement? Est-ce que ce sont des égoïstes pour autant? Et puis ce matin, à l'émission, on parle de ces femmes qui veulent pas d'enfants, par choix ou non. Si vous souhaitez aussi réagir, vous pouvez le faire directement sur notre page Facebook, Les Différents. On va essayer de vous lire pendant l'émission. Mais pour nous parler du sujet ce matin, je reçois Marianne Gagné du blog Les Supermatantes. Bonjour Marianne. Bonjour, bon matin. Les Supermatantes, on aime oui. Ça comme titre. c'est parti d'où? Qu'est-ce que c'est ce blog-là, Les Supermatantes? Parce que là, on parle des femmes sans enfants. C'est ça que tu, c'est de ça que tu parles? Oui, c'est ça. En fait, là, tu vois, la réflexion part d'à peu près, je dirais, environ 3 ans. Moi, personnellement, on en parlera peut-être plus tard, mais j'ai 35 ans bientôt et je suis sans enfant. Et puis, fait que, tu sais, souvent, mes recherches sur Internet m'amenaient vers des sujets, des articles qui avaient rapport avec ça. Puis, je suis tombée sur un article aux États-Unis qui parlait des PANC, OK? Les PANC, mm-hmm. C'est les Professional Aunt with No Kids, OK? Okay. Donc, les tantes professionnelles, finalement, sans enfant. Puis, l'article parlait plus de l'aspect marketing et économique de ces femmes-là en disant qu'elles avaient un pouvoir d'achat qui était intéressant. Mais moi, ce que je trouvais le fun, c'était l'approche. Je trouvais que c'était positif. Je trouvais que ça faisait pas qu'il nous manquait quelque chose. Ça mm-hmm. faisait plutôt, ah ben, on a un rôle finalement à jouer dans la société qui est d'être des tantes professionnelles. Puis comme je voulais l'amener, ça m'a allumée, ça m'a aidé à me centrer dans mon but finalement d'ouvrir un blog. Puis je me disais ben écoute, c'est une bonne idée ça les tantes. Puis là je cherchais un terme qui faisait très québécois parce que bon, il y en a qui cherchent à être international. Moi, je voulais avoir une formulation qui nous ressemblait ici au Québec. Puis au mm-hmm. Québec, ben c'est nos matantes, hein. On appelle ça des matantes. Fait qu'on est des super matantes. Finalement, oui, on n'a peut-être pas d'enfants, mais on est des super matantes pour plein d'enfants autour de nous. Puis je trouvais que c'était une approche qui était positive, qui me ressemblait beaucoup plus que c'est ça. Puis de quoi ça parle exactement? Oui, on sait que ça parle des femmes sans enfants, mais là-dedans, ton approche, je regardais parce qu'il y a quand même d'autres blogs aussi qui existent un peu partout au travers le monde mm-hmm. Qui en parlent. Et puis, t'as décidé de faire quelle approche? Justement, tu t'essaies d'alléger un peu le terme parce qu'il y a beaucoup de préjugés face aux femmes, puis on va en parler un petit peu plus tard. Oui, c'est ça. En fait, ça va aussi un peu avec mon style d'écriture. Ça fait quand même un certain temps que j'écris ailleurs et tout ça, puis j'ai moi-même un genre d'écriture qui est plus léger un peu. J'aime ça prendre les choses avec humour, sans mm-hmm. se prendre au sérieux. J'adore les faits du quotidien, OK? Puis je me suis inspirée un peu aussi de la tendance qui a commencé il y a quelques années, des blogs de maman. OK? Oui. Des blogs de maman à la maison. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, puis c'est drôle parce qu'elles racontent les choses au quotidien, qu'est-ce qui leur arrive, puis ça, même pour les mères, ça enlève une pression, ça fait du bien mm-hmm. un peu parce que on se sent moins tout seul. Fait que mon approche était comme ça. C'est une approche qui se veut plus légère, puis proche du quotidien, pas négative en fait, pas trop lourd. C'est sûr que il y a certains articles, on n'a pas le choix de de l'adopter finalement, oui, cette approche-là plus lourde, mais j'essaie quand même d'avoir une écriture qui est plus légère un petit peu. Puis, quand on voit, mais on peut en parler tout de suite un petit peu des tabous déjà qui existent autour, mm-hmm, de ça. Est-ce que toi, on va parler de toi dans le fond, la décision que tu as prise de, oui, ne pas avoir d'enfant. Oui. Comment est-ce qu'on prend cette décision-là? D'où est-ce que c'est parti? Bien, moi, j'ai une situation qui... Il y a plusieurs situations. Mais tu sais, si je parle, ouais, pour chaque moi... Personne chaque personne a sa situation. Oui, oui. Exactement. Moi, ça a été un choix parce que j'ai tout le temps voulu avoir des enfants. Je veux dire, okay, de mon plus jeune... du plus jeune que je me souviens. Ma mère, c'est une maman à la maison. Elle est très maternelle. Fait que tu sais, j'ai pas eu de mauvaises expériences à ce niveau-là. Puis pour moi, c'était naturel d'avoir des enfants et tout. Mon beau-père a 5 garçons, donc on était nombreux chez nous parfois, selon les horaires de garde partagée. Alors c'est ça. Puis ça a été long avant que je rencontre l'homme avec qui j'aurais voulu faire des enfants. J'avais 27 ans. Je considère que c'est long parce que bon, j'ai passé plusieurs années de célibat avant là. Ouais. Puis quand je l'ai rencontré, ben malheureusement, lui, non seulement il voulait plus, mais il pouvait plus avoir d'enfants. Mm-hmm. OK, donc puis ce que je dis souvent, c'est que quand je l'ai rencontré, j'étais tellement contente d'être en amour que j'ai pris ça, cette donnée-là, j'ai mis ça de côté, puis je me suis dit là, je vais vivre mon amour parce que c'était comme le coup de foudre avec lui. Puis on dealera ça plus tard. Fait que finalement, j'ai dealé avec ça peut-être deux, trois ans après où ce que j'ai eu. Moi, j'ai vécu le déni en premier. J'ai vécu le, okay, déni pendant 2 ans, je dirais, là. Puis à un moment donné, j'ai comme un peu ignoré le fait qu'il voulait pas d'enfant. Oui, le fait qu'il voulait pas d'enfant. Tu sais, je le savais, mais en même temps, j'avais pas envie de vivre ça à cette époque-là. Puis, t'sais, après 2-3 ans, ben là, la lune de miel, ça se tombe un peu. Bref, là, c'était comme le retour à la réalité. Puis c'est là que j'ai fait mon deuil. C'est là que j'ai eu un peu, je vais le dire, une claque d'en face, là, parce, mm-hmm, que c'est un peu ça, ouais, l'effet que ça fait. Un peu comme si on m'annonçait que j'étais infertile ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait mon deuil à partir de là parce que j'avais le choix. À 30 ans, j'étais au début de la trentaine. Soit que je le laissais, je retournais sur le marché du célibat, puis je me cherchais un père, parce que c'est carrément ça. Ouais. Ou soit que je restais avec lui, puis bon, ben je faisais ma vie comme ça. Puis c'est ça que j'ai choisi finalement. Ça n'a pas été facile, tu sais. Il a fallu. Non, mais c'est ça, parce que toi, dans ta tête, t'étais comme ben des filles vont se dire ben c'est normal, je vais avoir des enfants un jour. Ouais. Donc, tu sais, on dirait qu'on est conditionné à ça un petit peu. On est conditionné. On est programmé à ça. Moi, c'est comme une programmation. Puis après, c'est de se reprogrammer finalement vers une autre vie, tu sais. Fait que c'est ça l'étape, là, la reconstruction après. Parce que je vois ça comme vraiment comme un vrai deuil, là. Mm-hmm. Je compare ça comme un vrai deuil, là. Donc. Ouais. Puis ça se fait pas du jour au lendemain, ce deuil-là. Et non. Puis est-ce que à un moment donné, on se dit pas d'un coup que ça me tente d'en avoir vraiment? Est-ce qu'on n'a pas toujours cette petite voix-là qui nous dit en arrière, à un moment donné, d'un coup que j'en voudrais, je sais pas. Est-ce que, tu sais, le tic-tac, ouais, l'horloge biologique, ouais. Oui. On entend beaucoup parler, oui, hein, celle-là. Ben, moi, c'est drôle, je l'ai senti. Je l'ai senti parce que j'ai eu l'impression, à un moment donné, que ça venait d'en dedans. Tu sais, quand j'ai eu justement cette claque-là, là, mm-hmm, j'avais l'impression que ça poussait dans dedans. Là, fallait que je règle ça, là, parce que physiquement, là, j'avais l'impression que ça me soulevait. Puis c'est ça. Donc, tu sais, oui, c'est sûr que le deuil est pas évident. L'étape par après, il faut comme réapprendre finalement à reprogrammer carrément sa vie, là, tu sais, sur un autre... une autre destinée, finalement. Puis, ce qui est difficile là-dedans, je trouve, c'est l'indécision. L'ambivalence, là, c'est ça qui fait mal. Parce que, oui, hein, quand on prend une décision, là, on a pris une décision, puis on va faire avec. Je sais pas, oui, si tu comprends, c'est la, oui, c'est la partie où on la prend pas, cette décision-là, puis qu'on est comme entre les deux, puis qu'un jour c'est oui, puis l'autre jour c'est non. C'est ça qui est dur. Puis à un moment donné, est-ce que ça arrive qu'on dit non, c'est ma décision est faite? Puis parce que ce que je lisais, parce que j'ai été voir ton blog, j'ai été voir les réactions, j'ai été voir aussi le blog de Femmes sans enfants. Oui. Et puis ça a l'air assez clair. On dirait que le choix est plus facile quand on est infertile, mettons. quand... Est-ce que je me trompe ou est-ce que le choix semble... Parce que toi, tu baignes quand même là au travers les supermatantes depuis un certain temps. Est-ce que je me trompe ou est-ce que le choix qui est imposé, il est plus facile à accepter de ce que tu entends, de ce que tu vois? J'ai rencontré des femmes qui... à cause de l'infertilité ou à cause de raisons médicales autres. Donc, elles ne sont pas infertiles, mais parce qu'elles ont une maladie ou parce qu'elles ont une condition particulière et c'est différent. Mm-hmm. Oui, c'est vrai que le choix est imposé, donc t'es précipité vers l'acceptation éventuellement. Là, t'as pas d'ambivalence, sauf que t'as beaucoup de frustration. C'est ce que j'ai remarqué parce que justement t'as pas fait de choix justement. C'est imposé par la maladie ou par l'infertilité. Fait que là, le bout où ce que tu en veux à l'humanité là, mm-hmm. il est peut-être plus dur à porter. Que quand c'est toi finalement qui décides de prendre un choix ou un autre, t'sais. Fait que c'est différent. Les émotions sont différentes. Je serais pas prête à dire que c'est plus parce que pour en avoir rencontré une en particulier que j'ai en tête là, je te dirais que si je lui avais dit ça, c'est plus facile pour toi mettons que pour moi. Je pense qu'elle se serait levée, elle serait partie parce que non, et elle le vit différemment, c'est ailleurs. Mais il y a de la frustration. On en veut à quelque chose qui nous l'a imposé, finalement. Là. Fait que c'est difficile. C'est différent à vivre de ce que je comprends. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu entends autour de ça? Un coup que les filles ont pris la décision, c'est quoi que tu entends le plus souvent? Ce qui revient souvent, c'est l'égoïsme. Ça, c'est sûr. Il y a des gens qui pensent que parce que tu décides de ne pas te dévouer finalement à la famille et avoir des enfants, c'est parce que tu as envie de garder tout ton temps puis tes énergies pour toi-même. C'est vrai. C'est vrai. Ce qui est vrai là-dedans, en fait, c'est vrai que quand tu n'as pas d'enfants, tu as moins de... En quelque part, tu as moins de responsabilités. Tu as plus de temps. Tu sais, moi, avec mes amis, mm-hmm. des fois, qui ont des enfants, on en rit, tu sais, parce que, bon, nous, il n'y a pas de tabou entre nous. Puis moi, je les taquine un peu en disant, ah, ben là, tu sais, moi, il n'y a pas de problème. Là, j'ai du temps puis tout ça, tu sais. Fait que... Il y en a qui pensent, il y a des gens qui pensent que parce que tu décides de pas avoir d'enfants, c'est ça, t'es plus égoïste. Carriériste, on peut l'entendre. Oui, carriériste aussi, puis c'est drôle que carriériste soit un défaut, parce que je veux dire, c'est pas un défaut, c'est une caractéristique, c'est un choix. Si toi, t'as décidé de mettre tes énergies dans un projet d'emploi, que ce soit ton entreprise mm-hmm. ou pour une autre compagnie, je veux dire, mais des carriéristes, il y en a qui sont mamans aussi. Aussi. Donc, oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que tu penses que être carriériste est jugé négativement quand t'as pas d'enfants, puis qu'une carriériste qui a des enfants, c'est une superwoman? Écoute, c'est une bonne question, mais c'est que les gens, ils font, tu sais, on fait tout le temps des suppositions, on imagine des histoires puis des pourquoi quand on regarde la vie des autres, mm-hmm. puis peut-être que les gens se disent, ah, écoute, elle a pas d'enfant, fait qu'elle se lance corps et âme dans son travail pour fuir, ou tu sais, là, les gens, ils se font comme des idées un peu préconçues, puis on est tous un peu comme ça, là, fait qu'on juge facilement, puis on se fait des téléromans de la vie des autres. Mais une autre caractéristique aussi qui revient, puis il y a quelqu'un qui l'a souligné sur ma page Facebook, c'est tellement vrai, là, c'est l'immaturité. Oui. Ah oui, c'est comme si la maturité, ça appartenait seulement aux mamans, puis quand t'as pas d'enfant, tu restes un enfant toute ta vie finalement. Mais tu vois, l'immaturité, je pensais, c'était plus associé aux hommes. Oui, c'est vrai, peut-être, mais ça a l'air que pour les femmes aussi. Mais tu me surprends en me disant que pour les femmes aussi, c'était considéré que l'immaturité pouvait jouer là, dans le jugement que les gens ont de pas avoir d'enfants. Ben, tu sais, quand tu veux pas, quand tu as des enfants, certains de tes petits défauts d'adolescent, faut que tu les laisses de côté. Maintenant, faut que tu fasses ton lit si tu veux que tes enfants fassent leur lit. Faut que tu sois structuré si tu veux que tes enfants prennent exemple sur toi, tu sais. Puis tout ça vient aussi de la pression qu'on a quand on est parent. Donc, puis quand on n'a pas d'enfant, mais en fait, il n'y a rien qui nous oblige finalement à faire son lit. Tu sais, c'est un exemple, là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... c'est de ça un peu que je veux dire par immaturité. Puis, puis je me souviens, j'avais oublié, mais je me souviens que je l'ai déjà ressenti, ce sentiment-là de... Écoute, t'as pas d'enfant, donc tu peux pas comprendre, là. Tu sais, ici, on parle en fameux, adulte. Tu peux pas comprendre, oui. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai déjà entendu, celle-là, étant moi-même sans enfant. Oui. Ouais, Qu'est-ce que tu réponds justement à ça? Tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant. C'est sûr que quand c'est un problème, mais on a déjà été ado, on a déjà été jeune. Oui, puis on... Est-ce qu'on rentre dans une espèce de d'autres dimensions quand on a des enfants? C'est comme un autre... c'est vrai, on peut pas leur enlever... C'est vrai que d'avoir des enfants puis avoir une famille, ça t'amène dans des situations que tu vivrais pas autrement. Mm-hmm. C'est vrai que dans la vie, dans n'importe quel sujet, je veux dire, t'es toujours mieux placé quand tu l'as vraiment vécu que quand tu l'as regardé d'un point de vue extérieur. Tu sais, moi, je suis pas prête à dire quand même que moi, j'en connais autant que mes belles-sœurs, exemple, qui ont des enfants, puis tout ça. C'est pas vrai, là, je veux dire. Puis il faut l'accepter à un moment donné. Il faut accepter cette limite-là, parce que si c'est pas avec les enfants, c'est avec d'autres sujets ou avec d'autres choses au niveau de la job, là, je veux dire, quelqu'un qui travaille dans un domaine, toi, tu travailles pas dans son domaine, et ça se peut que tu comprennes pas tout qu'est-ce qui lui arrive. Fait que, tu sais, moi, je pense que là-dessus, faut dédramatiser un petit peu puis comprendre, mais en même temps un point de vue extérieur c'est toujours le bienvenu. Puis je pense que quand t'as pas d'enfant, t'as vraiment une vision qui est différente de la famille puis tout ça. Donc s'il y a une notion de respect avec les tu sais, comme moi je parle avec mes amis puis tout ça, les conseils ils vont être acceptés quand même de part et d'autre. Puis il n'y a pas de problème à ce niveau-là, parce que là, c'est rendu plus une question de point de vue différent. Là, t'sais. Mais les conseils, est-ce que tu vas les donner peut-être plus à la pointe des pieds qu'une autre maman? Ça se pourrait, mais en même temps, entre mères, il y a tout le temps cette espèce d'effet un peu de comparaison puis de jugement. Hein? Tandis que nous, on l'a pas, ça. J'ai jamais vu ça. Je sais pas de quoi tu parles. Non, c'est ça. Fait que nous autres, on a pas ça. Moi, quand je donne un... Puis oui, mais c'est sûr que je fais attention. Des fois, quand je vais donner une opinion ou un conseil, tu sais, à une amie oui. qui est proche que ses enfants, mais en même temps, moi, je pense que dans la vie... Quand les gens te demandent pas ton avis, t'es peut-être mieux de le garder pour toi aussi. Donc, ouais, il y a ça aussi, là. On reste dans le général. Bah, ouais. C'est ça, exactement. Il y a tout le temps des petits Joe connaissants. Eux autres, peu importe leur situation, ouais, ça changera pas. Donc, voilà. Peu importe le sujet. C'est ça. Ils ont une réponse à tout. C'est ça. On va prendre une pause. Et puis, après, j'aimerais ça que tu parles, justement, un coup que, bon, ta décision est faite, le deuil est en train de se faire, tout ça. La réaction des gens autour de nous, qu'est-ce qu'on entend, tout ça? Donc, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. On va revenir, on s'en va écouter pour l'instant Ian Kelly. Parfait. On parlait avant la chanson des réactions des gens autour de nous un coup qu'on prend la décision. Oui. Qu'est-ce que t'as entendu autour de toi? Ben les réactions, ça... Écoute, ça vient de partout, puis c'est très différent et c'est très coloré et c'est très... puis tu sais, faut... Ce qui est difficile, c'est quand on est dedans, là, quand on est dans le deuil ou dans le j'appelle ça le bout de plate, là, tu sais, ouais. Ce que t'as pas encore accepté, t'es fragile. Fait que là, t'interprètes évidemment tout un peu négativement et tu prends ça personnel et tout ça. Il y a les parents. C'est sûr que les parents... Puis ça fait partie, tu sais, tu vois, je suis bien avec ça aujourd'hui, mais j'ai encore des déceptions peut-être par rapport à ça. Puis le fait de ne pas donner des petits-enfants à ses parents, ça fait un petit quick là, je dirais, au cœur. Tu sais, moi j'ai été chanceuse parce que j'ai jamais senti aucune pression de la part de mes parents. Puis tu sais, chez nous, c'est très vive et laissez vivre et il y en a pas de problème, mais tu sais, je l'ai quand même décelé, tu sais, la petite déception, la petite tristesse, parce dans que les yeux de ta mère. T'es enfant unique ou? Non, mais okay. Ma sœur est, non. Mais j'ai une sœur qui est plus jeune. Oui, j'ai une sœur qui est plus jeune, mais elle vit aussi un peu la pression différemment, elle a 27 ans, puis elle n'est pas du tout rendue là, donc elle n'a pas d'enfant, elle sait pas quand est-ce qu'elle va en avoir. Ouais. Elle et son conjoint, là, est partie en ce moment dans un road trip aux États-Unis, 4 mois avec son chien, son Winnebago, puis tout ça, fait qu'on est très loin de ça. Étant plus vieille de 8 ans d'elle, là, c'est sûr que mes parents pensaient bien que les enfants allaient venir de moi en premier. Est-ce que ça y met de la pression à elle? Est-ce que t'es au courant? Oui, ben oui, elle le sent. Elle en sent de la pression. Là, elle arrive, tu sais, elle a 27 ans, elle arrive proche de la trentaine, puis comme je te dis, elle est pas là, tu sais, elle a des projets d'entrepreneuriat, puis tout ça, son chum est plus jeune. Fait que, tu sais, oui, elle sent la pression, pas tant de notre bord, mais je pense que les parents de son conjoint, ils ont hâte qu'il fasse des petits, là. Ça, je pense que c'est le déroulement, là, typique qu'on peut entendre. Hein? Ouais. Ça se peut-tu? Un coup que t'as ton chum. Parce que là, ouais, en premier, il nous achale, quand est-ce que t'as un chum? Après ouais, ça, ouais, un coup que tu l'as, on entend, ben, est-ce que vous allez vous marier? Des fois, on entend ça dans certaines familles, tout mm-hmm, dépendant des croyances. Après ça, la maison arrive. Ah là, c'est sûr que les bébés s'en viennent. C'est sûr, c'est arrive sûr pas que... avec un condo ou une chambre, là. Non. C'est sûr et certain que les parents et les beaux-parents vont... Ça se peut qu'ils te parlent un petit peu. Oui, mais on dirait que c'est tellement le déroulement qu'on se fait. Puis même moi, qui tu sais, qui prône justement d'abattre des préjugés, des tabous, tout ça, qui essaie de sortir du cadre... Même moi, des fois, je me surprends à penser comme ça aussi. On est tellement... Ça nous rentre tellement dans la tête, ça se peut. Mais moi aussi, ma sœur, ça a été la première à me le dire carrément. Puis j'ai fait le saut parce que je la taquinais. Puis je disais, bon, quand est-ce que tu nous fais un bébé? Parce que, tu sais, moi, j'ai hâte là, qu'il y ait des enfants aussi autour de moi, tu sais, veux pas. Puis là, elle m'envoie un regard en disant, hey, ça va être correct, la pression, là, venant de toi en plus, tu sais. Fait que là, je me suis dit, oh mon Dieu, ben oui, bon, mais t'as raison. Finalement, même moi, aujourd'hui, même si je suis dans une situation où j'ai pas d'enfants, je mets quand même la pression sur ma sœur. Fait que là, j'ai dit, c'est correct, je t'en parle plus, vas-y à ton rythme, puis on va juste être content. Mais tu sais, à un moment donné, il faut comprendre aussi que les gens ils font pas ça pour mal faire, tu sais, je veux dire, les grands-parents, parce que en passant, je suis grand-parent, et je suis, ok, oui, aha, donc je comprends le feeling. Ok, là, j'ai besoin d'explications. Ben, t'as quoi, 34 ans? Oui, mais mon conjoint, il est plus vieux que moi. Mon conjoint, okay, il a des enfants qui sont adultes et sa fille va d'ailleurs avoir un deuxième bébé. Puis elle a déjà une petite fille de 2 ans et quelques mois qui est un amour incroyable. Et puis là, elle va avoir un autre enfant. Fait que j'ai skippé une étape, moi, tu vois. Je suis rendue dans la grand-parentalité. Donc, t'es passée de belle-maman à belle-maman, grand-maman. Oui, là, c'est ça, exactement. À 34 ans. Fait que, tu sais, je le comprends, là. Ce que je veux dire, c'est que je le comprends, le sentiment qu'il y en a de ça. Fait que, tu sais, ça, c'est dans les premières réactions qu'on a, c'est ça. Puis après, ben, il y a les amis qui vont te dire, ah, ben non, mais là, ils vont te donner ils vont essayer de te guérir. Ben là, tu peux adopter. Ah ben là, tu peux changer de chum. Moi, c'était ça. Je me l'ai fait dire quelques fois là par certaines changer personnes. Changer de chum? Oui, changer de chum. Comme si c'était facile, tu sais. Comme si c'était jetable. Puis, puis même celles qui ont des problèmes, c'est l'infertilité ou quoi que ce soit, ben, tu sais, on essaie de les guérir. Les gens essaient de les guérir, ils voient ça comme un peu comme une maladie, puis on rentre en mode guérison. Fait que là, tu peux adopter, tu peux faire ci, tu pourrais être famille d'accueil, par exemple, t'as fait du bénévolat, là, ça y est, là, ça fuse de partout, va t'acheter un chien, ou tu sais, c'est comme... les gens essaient de te guérir au départ, tu sais. Fait mais que ça, c'est... Tu me fais penser, l'histoire du chien, justement, souvent, on l'entend, celle-là, venant de... ben, du monde extérieur, peut-être, mais aussi, c'est... Vous pouvez pas comparer un chien à un enfant, puis il y en a qui disent, ben écoute, moi, ce que je lisais à un moment donné, ce qu'on peut lire sur différents articles, ben moi, j'ai un chien maintenant, puis, ben écoute, c'est mon bébé, c'est mon enfant. On dirait, on transmet tout ça d'un enfant, ça revient tantôt, on parlait du mythe de la responsabilité, puis tout ça, les gens qui sont moins responsables. Mais à un moment donné, il y a comme un autre son de cloche qu'on entend. Ben, j'ai un chien. Déjà, c'est beaucoup de responsabilités. Je me vois mal avoir des enfants. Là, on tourne-tu à un moment donné d'un bord puis de l'autre? On mêle-tu les affaires, là, en mettant tout ça ensemble? Ben, ouais. Ben. Parce que des blogs où est-ce qu'on voit sans enfants? On a lu ça. On le voit. Ouais. Oui. Oui, c'est sûr qu'on voit. Ben, écoute, moi, la première action que j'ai faite, là, OK, quand j'ai vraiment réalisé que j'aurais pas d'enfant avec mon chum, j'étais allée me chercher un chat. OK. J'en avais déjà un, j'ai dit à mon conjoint, là, faut que je m'occupe. Mais c'était plus dans une optique de m'occuper l'esprit, justement. C'est ça, pas l'esprit maternel. Non, mais pas de me décentrer, là, okay, tu sais, un peu, puis d'aller me chercher un chat. Puis là, j'ai un chat et un chien à la maison en ce moment, mais... enfant, pas d'enfant, j'aurais eu des animaux, donc je le vois pas comme une façon de compenser. des fois je me surprends à faire des comparaisons, puis en même temps je me dis à moi-même, ben voyons Marianne, arrête de faire ça là, mets-toi mm-hmm. dans la peau de la mère, tu compares son enfant à ton chien, c'est épouvantable. Fait que là maintenant j'essaie d'arrêter, mais sauf que oui, il y en a probablement que, tu sais, ce besoin-là, parce que, tu sais, un chien, c'est un animal, ça dépend de toi. Tu sais, il a besoin de toi pour vivre. C'est ça, ce qu'on entend. Besoin. Ce qu'on entend aussi, c'est par exemple, ben voyons donc, comme tu dis, tu compares un enfant à un animal. Ouais. Voyons. Puis, d'un autre côté, ben j'aurai pas d'enfant, mais je vais avoir un animal. Tu sais, on dirait qu'il y a comme un transfert. Je sais pas, c'est quoi? C'est-tu un principe de maternité à petite échelle ou... Ben, tu sais, c'est... Ben, un animal... Je pose la question. Ben oui, c'est ça. Mais écoute, un animal, ça t'impose... Surtout pas un chat, parce qu'un chat, c'est assez indépendant puis ça n'a pas besoin de toi pour vivre. Mais tu sais, un chien, c'est sûr que ça vient chercher ce côté-là que pour lui, t'es important, tu sais. Ouais. Sans toi, il survit pas, là, dans le sens que, tu sais, les chiens sont tellement dépendants de leur maître que ça comble... C'est vrai que ça comble un certain sentiment d'importance. Je vais dire ça comme ça, mais tu sais, de la maternité. Puis là encore là, écoute, là on rentre dans la vision des propriétaires de chiens. Pour moi, un chien, c'est un animal, donc écoute, il dort pas dans le lit, il dort à terre, tu sais, il y a comme mais je l'aime. C'est ça, exactement. Tandis qu'il y en a qui on dirait quand même que c'est un double discours de certaines femmes qu'on peut lire. C'est un double discours. Je veux pas d'enfant, mais je vais aller me chercher quelqu'un, un animal pour lequel je vais m'en occuper, là. Fait que ça sonne, c'est pour ça que je dis ça sonne un double discours. Ouais. Oh oui, parce que ça demande, quand j'amène mon chien chez mes amis, mes amis me disent tout, my God, c'est comme si t'avais un enfant de 2 ans, là. Parce que, tu sais, je suis tout le temps, je suis jamais dans une conversation, tu sais. Mon point focal est en arrière d'eux autres parce que je regarde mon chien aller puis essayer de détruire tout ce qu'il y a en arrière, là. Fait que. Ben, tu m'amènes sur un point puis on va en parler après la pause. Le fait de ne pas vouloir avoir d'enfant, oui. Ça veut pas dire qu'on n'est pas maternel. Ah, non, ça, je suis sûre que non. On en reparle après la pause. Okay. À l'émission Les Différents, Mélanie Florent avec vous jusqu'à 10h. Et puis, on parle ce matin du préjugé des femmes qui vivent en ayant dit non à la maternité, qui vivent sans enfants. Et puis, on parlait avant la pause avec mon invitée Marianne Gagné du blog Les Super Matantes. Pas parce qu'on a pas d'enfants, qu'on n'a pas d'instinct maternel. C'est ce qu'on disait avant la pause. Ben, l'instinct maternel, c'est quoi au fait, là? Tu sais, je veux dire, c'est d'aimer les enfants, c'est d'être à l'aise avec eux, c'est d'avoir une facilité, une proximité. Je veux dire, moi, je pense que même si t'as pas d'enfants, tu peux être... J'en vois, là, des jeunes qui ont pas d'enfants nécessairement, puis je veux dire... qui sont hyper à l'aise avec les enfants autour de eux, puis qui ont une facilité et tout ça. Puis, tu sais, j'ai connu des femmes qui avaient pas ça, on va dire, là, parce que c'est une étiquette quand même, un peu, là, l'instinct de maternité, là, mais qui n'avaient pas ça, qui ont eu des enfants, mais qui ont été des super bonnes mères quand même, tu sais, qui avaient comme une autre approche, puis qui ont leur enfant jamais manqué d'amour. Et ça va pas... c'est pas... T'as un instinct maternel, t'as des enfants, t'as pas d'instinct maternel, t'en as pas... Mais je pense pas que c'est comme ça que ça marche, là. Il y a un préjugé aussi qu'on peut lire partout, puis même dans le blog Les Différents, il y a le billet là, bébé ou pas de bébé, où est-ce qu'on mentionne là-dedans que justement, pourquoi toujours avoir le besoin de justifier qu'on aime les enfants? On dirait que ça va avec la méchante belle-mère, je sais pas, c'est on a trop lu de contes de fées ou quoi. On dirait que pas d'enfants, ça veut dire j'aime pas les enfants. Ouais, tu sais, c'est comme pas aimer les enfants, c'est comme pas aimer les chatons. Il y a ce besoin là de c'est comme c'est que ça se peut pas, tu sais. Mais il y en a qui mais ce qu'on oublie là-dedans, est-ce que ça se peut? Puis toi, tu baignes dans le milieu là des mamans des sans enfants, tout ça, tu peux le voir, tu peux m'expliquer. Il y a une espèce de mythe, puis il y a aussi bon pour les femmes qui sont sans enfants qui aiment peut-être pas les enfants, mais il y a des parents aussi qui trippent pas ces enfants des autres. Ben là, oui, puis qui aiment leurs enfants, mais qui ont de la difficulté à entendre crier autour d'eux quand c'est pas leurs enfants. Ah, mais tu sais, tu peux aimer tes enfants, puis ne pas aimer quand ça crie ou quand ça tourne autour ou quand ils sont énervés. Tu sais, je veux dire... Mais quand t'as pas d'enfants, on dirait que non, ça va automatiquement avec. Ouais. Quand t'as pas d'enfants, t'es aimes pas. Écoute, est-ce que tu l'as entendu? Oui, ça? Ouais, oui, c'est sûr que. Est-ce que tu l'as utilisé pour te justifier de ne pas avoir d'enfants? Mais je les aime pareil. Ben oui, c'est sûr que. Puis tu. C'est drôle, hein, mais en même temps, là, on dirait justement que tu veux le prouver. Fait que des fois, là, tu t'exagères. Moi, ça sonne un peu plus fauné. Oui, dans ce ça sonne un peu plus fauné. Puis à un moment donné, j'ai comme arrêté. Je me suis dit, hey, là, wow, OK, arrête de te forcer ou d'avoir de l'air d'essayer d'être trop cool ou d'être trop proche ou quoi que ce soit. Vas-y, naturellement. Puis moi, je suis pas une gaga-gaga, là, OK? Dans le sens que, tu sais, j'adore les enfants autour de moi. Je les aime en général, mais, tu sais, je suis pas non plus... je vire pas folle avec ça, là. J'essaie de rester comme dans la normalité, finalement, là. Fait que, tu sais, puis moi, je suis très à l'aise d'aller dans un resort dans le sud où il n'y a pas d'enfants en étant très assumée dans mon choix, en me disant, je suis en vacances, j'ai pas le goût de voir des enfants, d'entendre crier des enfants et tout ça. Puis il y a des parents aussi qui vont le faire, fait que, ben oui. Mais ça, on n'en parle pas. On dirait qu'on leur donne congé. On dirait un peu comme dans le billet que je disais tout à l'heure de Bianca Lompré, que bon, c'est difficile d'avoir des enfants, ce qu'elle écrit là-dedans, tout ça. J'ai l'impression que ça serait peut-être plus accepté un parent qui dit « Moi, je vais dans un resort, pas d'enfants. » Et où est-ce que dans le resort, il n'y en a pas non plus? Plutôt que quelqu'un qui n'en a pas d'enfant, qui dit « ben moi, je m'en vais dans un resort sans enfant », on dirait qu'il y a moins de jugement. Oui, parce qu'on se dit « ben écoute, lui, il a le droit de prendre un break, il y en a au quotidien, donc ouais. Là, il s'en va. » Mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas... comme il n'y a pas que des avantages à être un adulte, comme il n'y a pas que des avantages à être un enfant, je veux dire, un enfant, ça a des qualités, ça a des avantages, mais ça a un paquet de défauts aussi, là. Je veux dire, il faut pas... Faut pas se le cacher, là. Tu sais, c'est jeune, ça réfléchit pas comme nous. Justement, des fois, ça va parler fort, ça s'énerve et tout ça. Autant ça que c'est beau, que ça s'émerveille devant rien, que ça nous sort des phrases qu'on n'en revient pas. Tu sais, il y a comme les deux. Fait qu'il faut être. On peut-tu avoir une vision réaliste de la situation, puis de se dire, ben des fois un enfant c'est le fun, puis des fois un enfant c'est plate. Puis peu importe notre situation, on peut-tu comme ne pas être jugé à ce niveau-là. Là, s'il vous plaît, tu sais. Puis, tu sais, tu parles de son article là, à Bianca Lompré, puis je me souviens, quand je l'ai lu, là, j'étais tellement, là, en maudite, hein, je vais le dire, là. J'étais fâchée, je me disais, mais de quoi qu'elle parle, elle, là, c'est pas croyable, là, tu sais, son titre, là, « T'as pas d'enfant, tu m'en dois une ». Déjà, en partant, elle a pas réfléchi à toutes celles qui n'ont pas d'enfant, pas par choix, puis qu'ils vivent un deuil, puis que c'est difficile. Écoute, il y a des femmes. Là. Elle a écrit, je veux pas être à sa défense non plus, mais elle a écrit en 15 minutes, est-ce qu'elle disait dans d'autres entrevues, parce que veut pas, elle a été amenée sur différents plateaux pour parler de ce billet-là qui a tellement fait réagir au printemps dernier, puis même l'hiver dernier. Et puis, c'est 15 minutes, un verre de vin. Elle a envoyé ça au Huffington Post pour se faire corriger et c'est tout. Ben oui. Donc, on a un pétage de coche de 15 minutes en texte. Oui, mais moi, je pense que ça manque beaucoup d'empathie, son texte, énormément. Moi, je me suis mis dans la peau, là. Écoute, puis je suis venue tellement mal. Moi, personnellement, là, ça m'a pas fait grand-chose, honnêtement, pour moi, personnellement. Moi, je me suis mis dans la peau. Non, parce que t'assumes. Parce que ça. J'assume, puis je suis super à l'aise avec ça. Ouais. Exactement, puis tu sais, je veux dire, bon. Mais je me suis mis dans la peau des femmes. Tu sais, écoute, Mélanie, il y en a qui vivent ça vraiment difficilement, là. Il y en a que c'est gros là dans leur vie là, puis tu sais c'est de la tristesse que ça amène, puis de la douleur, puis de la culpabilité, puis t'en veux au monde entier, tout ça. Fait que de lire en plus qu'une mère te dit écoute, tu m'en dois une, tu sais, t'es pas une vraie femme, bon, je sais pas là, ben, c'est ça qu'elle a dit là, mais c'est ça qui ressent dans tout ça. Ben elle vise plutôt les parents en général, mais c'est sûr et certain que comme je mentionnais tantôt, le débat s'est enligné vers les femmes Oui, c'est les ça. Les femmes ont pris vraiment là, ce billet-là au premier degré. Mais en même temps, je trouve, puis tu viens, c'est vrai ce que tu dis là, puis en même temps, ce que je trouve flagrant, là, c'est que la pression est tellement différente des femmes, mm-hmm. puis par rapport aux hommes qui n'ont pas d'enfants. Non, on dira pas d'un homme qui est carriériste, mettons. Non, on n'en parlera même pas à un homme qui décide de pas avoir enfant. Puis là, je veux pas avoir un discours féministe par rapport à ça nécessairement, là, mais moi, un homme qui a pas d'enfant, à la limite, on va presque trouver ça plus normal ou qui veut pas avoir d'enfant. Tu sais, ouais. Moi, je l'ai entendu souvent, je sais pas toi, mais tu sais, les hommes, ils veulent pas vraiment d'enfants, mais quand ils l'ont, sont bien contents. Ça, on l'entend souvent. Fait qu'un gars qui dit, ben, moi, j'ai pas d'enfant, puis c'est pas plus grave que ça, ben, on en fait pas de cas, tu sais. Puis je te dirais, puis même je vais aller plus loin là-dedans. Moi, quand j'étais dans une étape de deuil là, j'ai trouvé une oreille réconfortante pas mal plus du côté des hommes à la limite, oui. Des fois que des femmes, parce que pour eux c'est d'une banalité là incroyable, une vie enfant, pas d'enfant. Peut-être je veux pas généraliser, mais je veux dire, pour eux c'est plus comment je peux bien expliquer ça? Il y a moins la pression. Il y a moins de pression, puis t'en veux ou t'en veux pas pour eux autres, là, c'est comme moins. Il y a moins de différence entre les deux. Il n'y a pas de clivage entre les deux, finalement. Fait que, tu sais, il y a une différence un peu à ce niveau-là. Puis c'est ça. Tu sais, j'écoute, je veux pas faire une montée de lait sur son article là, à Bianca Lompré, mais tu sais, quand elle dit que de redonner pour vrai, là, tu sais. Elle explique, elle dit, ça dérange pas que je cite un bout, là. Elle dit, pourquoi des gens décident de tout garder pour eux, de ne pas partager et redonner à la prochaine génération? On ne parle pas d'aller au cinéma avec un neveu, là. On parle d'avoir des enfants, de redonner pour vrai. C'est épouvantable de dire ça. Je m'excuse, là, mais t'en parleras aux mamans autour de toi, voir si elles sont contentes que t'ailles au cinéma avec leur enfant. C'est exactement ça. Leur donner un break. Hey, tu redonnes en tabarouette quand tu fais ça, là. Excuse-moi, là, mais. Bien, dans une société où est-ce qu'on prend de donner du temps parce qu'on n'en a pas? Oui. On dit tout le temps, on n'a pas de temps. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai envie de te donner ça. C'est exactement ce que tu m'expliques. J'ai envie de te donner du temps pour respirer, pour prendre un petit congé, pour prendre une soirée avec ton chum, peu importe. Mais là, c'est vraiment, faudrait que, selon elle, ce soit du temps plein. Ben, moi, là, j'ai lu un article à un moment donné que c'est une mère qui dit merci, puis je l'ai publié sur mon... C'est un article en anglais. Je l'ai publié sur mon article de blog, sur mon blog, c'est-à-dire... Puis le titre, c'est « Elle nous dit merci mm-hmm. », parce que justement, elle dit « Toi, le temps que tu prends pour venir à ma fête d'enfant, c'est pas parce que ton enfant t'a obligé à venir, c'est parce que ça te tente vraiment. Ouais. Toi, le temps que tu prends pour m'écouter dans mes histoires de famille, ben tu le prends vraiment, pas parce que tu vis la même chose, tu sais, parce que tu prends le temps volontairement de le faire, puis c'est vrai. Fait que c'est du temps qui vaut quelque chose, là. Mm-hmm. Puis ouais. Ça prend une société, puis c'est un peu ça, je trouve qu'elle est comme à l'envers dans son discours. Mais c'est pas du don de soi, justement, ce qui est dit, oui. qu'on donne pas en n'ayant pas d'enfant, c'est-à-dire le don de soi. Ben en donnant du temps, c'est du don de soi à un moment donné, non? Ben c'est ça, puis ça prend... Je fais pas son process ben matin, non. là. Mais ça prend une société, et on l'entend souvent, là, ça prend une société pour élever un enfant. Ben moi, je pense que ça se résume à ça. Un village, oui, oui. Un village, oui, c'est ça. Exact, ouais. Fait que voilà, donc... Ça clôt le dossier de Bianca. Bianca Lompré. On va aller en musique si tu veux bien. Oui. On va décanter un petit peu. Je pense que tu as eu une pas pire montée de lait ce matin. On va aller écouter Vincent Vallière et puis on revient tout de suite après. Puis on va parler des ressources justement aux femmes sans enfants. Puis de tous ces blogs-là. Là. Au Québec, il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a des blogs. Parfait. On vient d'entendre Vincent Vallière avec Lily. Je suis toujours avec Marianne Gagné du blog Les Super Matantes. Et puis, on va parler de ton blog aussi, Marianne. T'invites les gens à t'écrire. Ça fait pas longtemps qu'il existe, ce blog-là, quand même. Ça fait quoi, un an? Ah non, écoute, même pas. Même pas, je te dirais. Mais t'as quand même une bonne communauté là, qui te suit. Là. De plus en plus, je vois ça monter. Ben oui, c'est ça. Ben écoute, ça vient... Je travaille... dans le cadre de mon travail, là, je veux dire, j'utilise beaucoup, beaucoup les réseaux sociaux puis tout ça, là. Fait que c'est sûr que je connais les façons de faire en sorte d'aller mousser un peu une communauté. Mm-hmm. Donc, j'ai été chanceuse. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante, là. On est presque à 500 abonnés sur la page et tout ça. En peu de temps, oui. En peu de temps, c'est ça, exact. Mais ça fait 3 ans que je réfléchis à ça. Ça fait 1 an que je travaille à ça. Donc, message à tous ceux et celles qui veulent se lancer des communautés en ligne. Ça se fait pas sur le coin d'une table en 2 secondes, croyez-moi. Non. Puis, il y avait toute la délicatesse du sujet aussi autour de ça, là, tu sais. Fait qu'il fallait réfléchir 2 fois avant de se lancer. Puis moi, je veux pas abandonner dans 3 mois. Donc, je me lance carrément dans ce projet-là, là. C'est un... j'ai envie... OK. Au départ, là, non, mais tu sais, c'est difficile de savoir où est-ce que tout ça a amorcé, mais tu sais, oui. Au départ, dans la vie, en général, moi, j'ai réalisé que ça va toujours mieux et c'est toujours plus facile quand on comprend qu'on n'est pas tout seul à vivre quelque chose. Oui. Donc, c'était l'objectif en arrière de ça. C'était de donner la voix. Là, au début, c'est sûr que moi, je parle de moi, j'écris des articles un peu plus qui me concernent et tout, mais tu sais, mon intention, là, c'est de grossir cette communauté-là pour laisser la place à ces femmes-là. Et à ces hommes-là aussi, et à tout le monde finalement qui sont sans enfants, pour échanger, partager, se sentir moins différent justement. Mm-hmm. Et j'ai même des femmes qui ont des enfants qui suivent la communauté parce qu'elles aussi, elles sont d'accord avec le concept qu'il n'y a pas vraiment de différence, puis qu'il n'y en a pas de il n'y a pas une grosse, grosse barrière qui sépare les parents des non-parents, là, tu sais. C'est ça. Donc, j'ai des projets dans l'avenir que je n'avancerai pas tout de suite parce que c'est pas mon genre de dire des choses quand elles sont pas concrètes. Mais moi, ce que je sais pour avoir été voir ton blog, ben comme je t'ai approchée, toi, tu souhaites que ce soit le plus lu possible aussi, là, ton blog. Oui. Et puis, ben écoute, tu souhaites faire de la radio puis de la télé. Je t'ai écrit justement en disant ça. Des fois, ça commence la célébrité par la radio communautaire, qui sait? C'est sûr. Hein? Mais je vois qu'il y a beaucoup de commentaires aussi, mais on voit qu'il y a différentes sphères de la société qui te répondent. C'est plusieurs personnes. C'est pas un profil type « je suis sans enfant, je t'écris ». Il y a toutes les raisons du monde pourquoi on n'en a pas qui t'écrivent. Oui. Puis il y en a beaucoup des raisons. Ça peut être pour des raisons psychologiques, ça peut être à cause de la maladie, ça peut être par choix, ça peut être une question de timing aussi. Mm-hmm. Tu sais, t'arrives à 30 ans, t'es encore célibataire, je veux dire, il faut que tu trouves un papa, là, finalement, pour avoir tes enfants, tu sais. Mais ça se trouve pas sur Tinder, là. Ben non, c'est ça. Ben ça pourrait, mais je veux dire, je pense que ça donnera pas grand-chose de... Ben quoi qu'on sait jamais, là, mais tu sais... Ça dépend si on garde le papa ou pas. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ça touche tellement de monde en réalité que c'est ça. Puis moi, c'est tous ces gens-là. C'est un esprit rassembleur, là, finalement. Là, je sais pas si je rêve en couleur et tout. Non, mais ça paraît sur ta page. On peut le voir que. Puis si on veut te suivre, ton adresse, ton site, dans le fond, c'est. Oui, c'est supermatante@. OK. Puis sur Facebook, c'est Les Supermatantes. Donc, je vais mettre tous les liens aussi sur la page Les Différents. Oui. Pour ceux que ça intéresse. Ben, ça fait plaisir, je fais toujours ça. Et puis, il y a aussi une que tu connais aussi, qui c'est le site Femmes sans enfants. Oui. Femmesansenfants.com. Pour ceux que ça intéresse, c'est Catherine Emmanuelle de Lille, qui, elle, a des membres. Dans son cas, faut être abonné. Je sais pas comment ça fonctionne dans son cas, mais il y a quand même 85 membres à Québec. Et puis, elle organise des rencontres. Il y a un prochain événement, dans le fond, qui est le 27 décembre, mais ça se passe, bon, dans un chalet, tout ça. Pour participer à cette rencontre-là de femmes sans enfants, faut être abonné. Donc, vous pouvez aller sur le site femmesansenfants.com, tout au singulier aussi. Donc, ça peut être aussi une belle façon de réunir. Et puis, on ne sait jamais. Marianne Gagné, oui. Des super matins. Merci beaucoup. Et merci à toi. Merci de ta générosité. Merci d'être venue parler d'un sujet qui n'était pas nécessairement tout simple de parler des préjugés parce qu'il y en a énormément. Mm-hmm. Merci à toi. Ça fait plaisir. À une prochaine. Certainement. Pour nous, c'est tout cette semaine. Et puis, la semaine prochaine, Écoutez, on change complètement de registre. On va parler de développement personnel. Et puis, c'est pas avec n'importe qui, ça va être avec... est-ce qu'on peut l'appeler comme ça le Hulk des conférenciers au Québec, le gentil distributeur de coups de pied au derrière, et puis ceux qui écoutent son émission justement à CKRL vont le reconnaître, c'est Jean Nadeau, qui est un conférencier qui est dans le développement personnel, quelqu'un d'assez différent. Donc, la semaine prochaine, il va nous en parler, puis écoutez, d'ici là, essayez quelque chose de différent, osez être différent, et puis sinon, ben, je vous invite sur la page Facebook Les Différents pour nous suivre et puis voir nos vidéos, nos articles, tout ça. Donc, à la semaine prochaine. Bye bye!